Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, la tension monte. 5 hommes se réveillent enfermés dans un hangar. Ils ne se connaissent pas, n'ont aucun souvenir de leur identité et ne savent pas comment ils sont arrivés là. Ils comprennent vite qu'ils sont au cœur d'un kidnapping qui a mal tourné. Les souvenirs reviennent et la tension monte. Parmi eux, qui est otage, qui est ravisseur? Doucement, parlez-moi. Parlez-moi! Je vous en prie, dites-moi ce qui s'est passé. Dites-moi ce qui s'est passé. Vous entendez? Parlez-moi. Oui, parlez-moi, je vous écoute. Dites-moi ce que vous savez. Je sais dites-moi plus. Ce que vous savez. Bonsoir, vous me frappez. Vous allez me dire ce qui s'est passé ou je vous interdis de me frapper. Essayez de fouiller dans votre mémoire. C'est tout vu, je me souviens. Mon réveil, vous me collez une gifle. S'il vous plaît, détachez-moi. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Il y a quoi dans les parages? Le désert. Le désert? C'est à peu près tout ce que je sais. Ils sont morts? Non. Ça risque de chauffer quand ces gars vont se réveiller. Je vous conseille de me détacher. Je ferais pas ça si j'étais vous. Où est-ce qu'il sort, celui-là? L'écoutez pas, laissez tomber. Hé, tire-toi! Mets-toi de tes affaires! Moi et mon ami, on va se débrouiller, on n'a pas besoin de tes services! Non, sérieux! Ne détachez pas! Pourquoi ça? Qu'est-ce que vous savez, vous? Blackout, un thriller intense de Simon Brand, un DVD TF1 Vidéo.